Le principe de cette rencontre un peu étrange, les spectateurs peuvent entrer dans le stade avec un prix réduit si, et seulement si, ils apportent du disco. Des vinyles disco. Des vinyles disco qui seront destinés à être brûlés publiquement en ce 12 juillet 1979. Et l'organisateur de ce chaos, c'est un animateur radio. Il s'agit de Steve Dale, un animateur très populaire sur WLUP-FM. Mais c'est aussi l'histoire d'un type un peu aigri. Il souhaite faire carrière dans le rock, mais bon, ça marche pas vraiment. Alors il pense que c'est à cause du disco que rien ne va. C'est à cause du disco que personne ne veut signer sa musique rock. Steve Dale est donc un musicien un chouï rageux en ce 12 juillet 1979. Et c'est lui l'animateur officiel du stade. Et c'est sa voix que l'on vient d'entendre hurler « Disco sucks ». Disco sucks, repris par 43 000 spectateurs qui vont envahir la pelouse pour brûler des vinyles disco. 43 000 spectateurs pour foutre en l'air un pan de la culture, car voyez-vous, le disco, eh bien c'est un style qui ne plaît pas à tout le monde. Pourtant, à cette époque, le disco est déjà à bout de souffle. C'est sur la fin, c'est en plein déclin. Mais ça ne leur revient pas à ces oseaux énervés dans le stade. Ça ne leur revient pas car le disco est associé aux communautés noires, aux communautés latines et queer. Le disco est associé aux clubs de danse urbaine. Le disco, voyez-vous, n'est pas viril. Le disco, c'est pour les célibataires. C'est pas vraiment pour la famille. Le disco, eh bien, c'est aussi des corps qui cherchent à faire la fête. Disco égale corps qui danse. Corps libre. Corps solo. Et c'est ce qui se passe ce 12 juillet 1979. C'est encore une fois la montée d'un conservatisme moral qui veut faire régner son ordre. C'était le prélude à l'ère Reagan. C'est un fantasme de pureté. C'est le rejet de plusieurs de certaines populations. Et malheureusement, ces hurlements, aujourd'hui, résonnent avec une acuité particulière. Ces hurlements du 12 juillet 1979 à Chicago font penser à l'inquiétante montée des néo-réactionnaires dans le monde entier. Mais la bonne nouvelle, car il y en a une, c'est que cette folie destructrice n'a pas tué le disco. Mieux, elle a sans doute accéléré sa mutation, sa transformation, sa métamorphose. Au début des années 80, Chicago devient l'un des berceaux de la house music. La house music. Ce son né du disco. C'est la scène noire et queer qui, encore une fois, invente un nouveau langage pour les clubs. Un langage hypnotique, répétitif, fait pour le dance floor. Et ce sont ces enfants nés à Chicago, ces enfants du disco, du jazz, de la soul, du blues, de l'afrobeat, qui opèrent une nouvelle révolution esthétique, festive, militante et culturelle. Ça se passe la nuit. Des nouveaux clubs commencent à éclore. Ces clubs se mettent à vibrer grâce à des pressages express de vinyle, du do-it-yourself, une énergie folle et des millions d'influences musicales. Soit l'exact inverse de la pureté. Soit l'exact inverse de cette rage entretenue dans le stade des White Sox. Alors ce soir, pendant 2 heures, on rend hommage à ces musiciennes et musiciens qui ont bataillé pour les dance floors, pour des dance floors ouverts, inclusifs et festifs. Leur son, une arme contre toutes les formes de rejet et d'intolérance. Leur BPM, des rythmes qui libèrent, qui bataillent, qui font danser, qui donnent le jus de poursuivre. Des danses contre toute forme de purification culturelle. Vous êtes sur Duo. Bienvenue dans une nuit des temps très spéciale, plus longue. Une nuit des temps, l'extrême nuit. La nuit des temps, Radio Duo. Sarah Vaughan, Nina Simone est sans doute la plus rave martiale, la plus Jean-Sébastien Bach, la plus généreuse. Nobody else. Wajid rend hommage à Détroit, une ville industrielle, abandonnée, mais riche en héritage musical et technologique. Wajid transforme la machine en langage. Il partage l'héritage des pionniers de la house, comme Mad Mike Banks, Jeff Mills et Robert Blood. C'est le label Underground Resistance qui emballe tout ça. C'est la Motor City Madness. La nuit des temps, l'international de la danse. Thank you. Sagoyo défend dans sa musique une posture contre l'exclusion, le repli identitaire et les frontières restrictives. Son album Support Alien Invasion est un appel à accueillir les étrangers, les migrants et la diversité. Il grogne. Et ça fait. Voilà. voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Nous sommes en 1993. Celui qui a si bien digéré les clashs lance sa danse contre les discours xénophobes et la montée de l'extrême droite. C'est Rachid Tah. Voilà, voilà. Qui croyait que c'était fini? Mais non, ce n'était qu'un répit. En 2023, parce que justement ça ne s'arrête pas, Justine Robertson, qui a œuvré pour l'Hacienda à Manchester, remet en tension ce « voilà, voilà » sarcastique et martial. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, la nuit des temps, Radio Dio. Et c'est l'extrême nuit. voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. Une nuit des temps spécial Festival Radio, l'extrême nuit. Ou comment, au début, dans un Chicago ou un Détroit profondément ségrégationniste, il y avait de la musique disco qui intégrait de nombreuses personnes d'origines différentes, d'âges différents, de sexes différents et d'orientations sexuelles différentes. C'était une sorte de terrain d'entente pour tout le monde. Et on croise toutes ces influences ce soir. Can I talk to y'all about something tonight? The thing about love. The thing about loving somebody, no matter what kind of love. Once you've done that, once you've given yourself over to the sensation, to the responsibility of love, you can never be the same. That's what it is right there. That's what the preacher would say, can I get an amen? Now, I'm gonna show you what the collective love looks like. Are there any queens in the house? I said, are there any queens in the house? We are queens together. We soar through the night. Oh, we beat so.

And to a world sick with racism, get well soon. L'héritage des sons afro-brésiliens irrigue le rap de Emicida. Alegria. Alegria. Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio. Mesmo que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio. Breve o bom senso diz, respire um momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa. O espírito repousa, reza e volta 100%. Cale tudo que o mundo fale, pense em quanta vida vale. Seja a luz desse dia cinzento. E ela disse, Deus te acompanhe, pretinho. Bom dia, me deu um beijo e virou poesia. Deus te acompanhe, pretinho. Um lampejo de amor explodiu em alegria. Deus te acompanhe, pretinho. Volta pra nós como um camisa 10 após o gol. Meu peito rufa, o olho brilha. Isso é ter uma família. Minha alma disse demorou. Então eu vou bater de frente com tudo por ela. Topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, oh, oh, oh, oh. Pra enfrentar o planeta inteiro, correr a maratona, chegar primeiro e gritar: é por você, amor. Eu vou bater de frente com tudo por ela, topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, oh, oh, oh, oh. Eu vou pro fronte como um guerreiro, nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro, correr a maratona, chegar primeiro. É por você, amor. É um sábado de paz onde se dorme mais. O gol da virada quase que nós rebaixa. Emendar um feriado nesses litorais. Encontrar uma tapoé que a tampa ainda encaixa. Mais cedo brotou alecrim em segredo. Tava com jeito que ia dar capim. Ela reclama do azedo, recolhe os brinquedos. Triunfo hoje pra mim é azul no boletim. Uma boa promoção de fralda nessas drogarias. O faz me rir da hora extra vinda do serviço. Presentes feitos com guache e crepom lembra meu dia. Penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso. Então eu vou bater de frente com tudo por ela. Topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou. Pra enfrentar o planeta inteiro, correr a maratona, chegar primeiro e gritar: é por você, amor. Eu vou bater de frente com tudo por ela, topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta. Eu vou, oh, oh, oh, oh. Eu vou pro fronte como um guerreiro, nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro, correr a maratona, chegar primeiro e gritar: é por você. Vou te contar essa história aqui, porque eu sei que você dá risada desses bagulhos, se liga. Fui lá pra Taboão da Serra esses dias pra visitar minha mãe, né? Pum, relaxado, quebradinho. Aí contei com os moleques. Aí o Joe me contou essa história. Ele falou que tava na laje da casa dele fumando um cigarro. É um sobradão que tem 4 andares, tá ligado? Aí quando ele olha lá embaixo na rua, tem um maluco tentando forçar a porta do carro dele, forçando assim pra tentar abrir, pra roubar o rádio. Sabe quando o maluco tá tentando pra roubar? Pois é. Aí o Joe lá de cima olhou e falou, mano, e agora? Olhou pro lado, tinha uma pedra gigante, um pedregulho assim, tá ligado? Ele falou, mano, é isso mesmo. Vou mirar, acertar logo no pote. Moleque, olha o que aconteceu. O Joe mirou no cara, acertou no teto do carro, Leandro. Ele quebrou o carro todo, viado. O maluco foi tentar salvar o carro e quebrou a porra toda. E não contente, a força do impacto abriu a porta que o cara não tava conseguindo abrir e o maluco não me levou o rádio do cara embora. Ah, cê é louco, eu vou contar essa fita no stand-up, tá brincando? だ、これだ、みんな集まれ。朝礼だ、セイホー。これがゴーレイだ。マイクチェック。本日はハレだ。嘘だ、今は曇り空は綺麗だ。まあいいから、とりあえずパーティーだ。今日も誰かのバースデーだ。おう、そういうことなら歓迎だ。おい、あいつつまみ出せよ。ゲイだ、いいや、ちょっと待て、別に敵でもねえだろ。あいつも戦う前乗りティーだ。 選んだわけじゃない。運命だ。神がいるなら神のせいだ。好きじゃないのはわかるけど、オッケーだ。わかったら行くぞ、セイイエーだ。紹介こいつが DJ だ。切っても切れない関係だ。こいつじゃないと俺もダメだ。ピースサインで敬礼だ。君も僕もこいつの奴隷だ。死ぬまで踊らされる予定だ。何時に終わるのかそれは見ていた。帰る頃みんな幽霊だ。 C'est une dénonciation en règle du racisme au Brésil. Aussi dit, nous sommes en 1992. Rather be a plant on this land. You can transplant a plant and it can grow free, but the man that's been transplanted can't. So you can see why I would rather be a tree with branches and leaves that can grow free. If man had a choice before he's exploited, then his offspring would do more than dream. Isn't that a shame? A child on this land, not a child, not a man. Branches can grow free. Again and again and again. I don't know why I can't. A tree is a work of God. Le saxophoniste Archie Shipp s'est engagé très tôt pour la cause du Black Power, mais aussi avec la fondation de la Jazz Composers Guild, qui regroupait l'avant-garde new-yorkaise avec Cecil Taylor, Sun Ra, John Shikai ou Carla Bley. yeah, a little baby. Whatever, be doubtful now. Like, are you sure I'm not supposed to be going this route? No. So they were holding you up, like, they keep walking. They keep walking. No, no, you have to. So even when you stumble, they pick you up again. They didn't allow you to actually fall down for any reason. Mm. So, my dear, you can see now why you are stumbling a bit and you are like having some little doubts. Mm-hmm. You keep on asking, okay, why Temina? Why Tems? How do I have another person again? Mm-hmm. And they themselves don't know why. Mm-hmm. Mm-hmm. They can't understand it, say. So to them, it's like, I just don't get it. So why her? She doesn't even have a full album. Mm-hmm. And so what happened to the and she only came out how many years ago? It's like the criteria. So some of them are just perplexed. Some of them are angry. Some of them are like, odd. Wow. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice saying in through the bloody mist, we'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26, we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Le rock de Bruce Springsteen, les rues de Minneapolis, 2026. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Sociaux, c'est l'un des sons les plus sombres de Prince. Prince de Minneapolis. Et nous sommes en 1987. In France, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it. We're sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Des discriminations prohibées aujourd'hui en France. L'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de la personne discriminée, apparente ou connue de son auteur, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race. Les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, l'exercice d'un mandat électif, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille,

laisse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là qui bat le roi. They have nothing to do with anybody else. Best situation, let's put all these things together, jumble it all in a pot and let it cook for like 2 years. And then what comes out at the end of that is what we're putting out. You know, your only responsibility is to say truth, right? Mm. Like subjective truth. And it's one of the reasons why music is mundane. You don't hear subjective truth, you hear objective lies. Best to do. There is a purpose to you doing it. And the purpose is that the people that are out there demoralized, but also want the good in the world to win, have to see examples of the good in the world. Because guess what? All we see every day are examples from the other side, examples of the evil. Seeing the situation as it is and choosing compassion over vengeance. If this is what success means in this world, right, then I don't really want this type of success. Conclude with love. That's the world we live in, where everything is almost turned upside down. You defy your auntie in tears. Yes, do it crying. As long as you're doing it. Do it crying. But fucking do it. Because that is actually what it means to live. Voilà une chanson importante en Inde. Elle est composée par Sahir Ludhiansi, qui est connu pour ses positions progressistes et humanistes. Il insiste ici sur l'impossibilité de réduire un individu à sa religion. Nous sommes en 1959, c'est Mohamed Rafi qui chante. Et cet extrait du film « Dhul Kafula ». तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। La nuit des temps, l'international de la danse. मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke. Life. He lied. Mr. Bojangles dance. He said his name, Bojangles, then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go a lot. Let go a lot. He stood up and shook back his clothes all around. At minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 years, how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. He said, I dance now at every chance and honky-tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink some beer. He shook his head. As he shook his head, I heard someone respectfully ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. The idea that love is just a feeling? That's crazy. Maya Angelou says love is the thing that holds the stars in the firmament. Like, that's how foundational, that's how primordial, that's how essential love is. It's more than just a feeling. Jojoa et Lieutenant Nicholson sont des militants de l'afrobeat et des rythmes afro-caribéens. C'est l'un des duos les plus solaires en France. C'est un antidote. Tous ensemble, tous assemble. Un geste un peu fou aujourd'hui. Aimé Césaire, dans le festival L'Extrême Nuit sur Radio Dio. Pas mal. Je n'ai pas prévu de rater plus. Ça, je peux bien m'en empêcher. HIP m'a chopé. Je me suis mis à rapper. HIP a chopé. Je me suis remis à choper. Skullcars hantent les clubs de New York pour jouer des vinyl house et Revivile Deep House. On est plutôt, comment dire, dans une ambiance intimiste. Un espace parfait pour mettre en avant l'héritage noir et queer de la house. Le club est un espace de libération, la danse, le croisement des influences. Quand le sol brille. Utopie. Et vous écoutez Duo. Radio Duo. C'est l'un des plus grands batteurs de jazz américain. Et son truc, à lui, c'est le funk. Il a joué avec les plus grands jazzmen, notamment Lou Donaldson, Jimmy Griffin, Pharoah Sanders et Grover Washington Jr. Et tous ont créé un rapport au monde et à la danse ultra ouvert. Eux aussi ont réussi à créer des canopées, un truc légèrement au-dessus du réel, pour que chacune et chacun puisse trouver sa place. Si le paradis devait exister, eh bien ce serait un club. Et ce club jouerait cette musique. Could heaven ever like this? La nuit des temps. Idris Muhammad. C'est incroyable parce que Idris Muhammad jouait déjà de la batterie sur le hit de Fats Domino que vous connaissez peut-être, Blueberry Hill, en 1956. Et ça, ce serait peut-être le rêve de Galliano, ça, précisément ça. Jouer sur du jazz et de la soul dans les années 50 et 60. Bon, en attendant, après son heure de gloire acid jazz dans les années 90, Galliano a publié l'un des hymnes les plus joyeux et ouverts de ces dernières années. Et il nous raconte un truc sur le dance floor. Il nous raconte une bataille vieille comme le monde. Celle des pensées heureuses contre les pensées morbides. La vie versus la mort. La joie contre la tristesse. Pleasure, joy et happiness. Et ça, vous voyez, c'est bien tout le mal que nous nous souhaitons. Car c'est cette énergie qui va nous aider à tenir bon. Bon contre les idées de repli, de rejet et de discrimination. Pleasure, joy, happiness. pleasure, joy, and happiness. Pleasure, joy, and happiness. Pleasure, joy, and happiness. Pleasure, joy, and happiness. Joy and happiness. Yeah. bien voilà, c'est l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Un club XXL ce soir est ouvert à toutes celles et tous ceux qui luttent contre toutes les formes de fermeture, de discrimination, de racisme et d'antisémitisme. Et pour faire sens dans la danse, nous avons reçu ce soir Théo Parrish. Nina Simone était notre power play de la semaine. Wajid et Lala C. Mathias Aguayo. Rachida, remixé par Justin Robertson. The Vices of Saturday Church, remixé cette fois-ci par la fantastique Honey Dijon. On a également reçu Kamel Awaid, Ben West Beach, Janet Jackson, dis donc, Emicida, et CD pour le Brésil. Du jazz, et quel jazz avec Archie Sheep. On a reçu aussi Thames, Bruce Springsteen, Prince, le blues de Moody Waters, Amel Bent, Mohamed Rafi, Jojoa et le lieutenant Nicholson, ils font la paire, Anaïs, les fantastiques Muscle Cars, Idriss Muhammad, et juste avant c'était Galliano. Seneca, qui est remixé par Joe Godard pour les Shining Stars. Les étoiles qui brillent. Les étoiles qui brillent dans le ciel de Saint-Étienne. Et ces étoiles nous disent une chose. Une seule chose. Choose love. Choose love. Greet you, won't it just me? Times your heart strength, still you love me. I appreciate you, baby. And though you seem so far away, you were so near. I can feel you, the light that dwells within my mind. And I know you're sometimes lonely. Oh, I wish that I could change it. Oh, that I know it's you got me. And I pray my love will give you life to help you breathe, to keep your smile. Thank you. cette nuit des temps un peu exceptionnelle s'inscrit dans le festival Extrême Droite Extrême Nuit qui a bourdonné sur les ondes de Radio Duo et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Choose Love. Buena notte. Salut. La nuit des temps, Radio Duo.